Nous saluons chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu mjina ya Bwana Yesu Kristo. Frère Kumbu. Duku Kumbu. Je dois tous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alimisalimia nini wote mjina ya Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Dans Matthieu au chapitre 22. Matthieu, sura ke makumi mbili na mbili. Verset 15 à 16. Mustari yake ya kumi na tano na kumi na sita. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Basi wafarisayo wakenda kusikilizana namna ya kumshitusha Yesu na kumgamba mu misemo yake mwenyewe. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens. Wakatuma mbele ya Yesu wanafunzi wao mbele ya Waherodia. Avec les Hérodiens. Pamoja na Waherodia. Qui dirent. Hao walisema. Maître. Bwana wala mwalimu, nous savons que tu es vrai. Tunajua ya kwamba uko wa kweli. Et que tu enseignes la voie de Dieu. Na uko unafundisha selon la vérité. Uko unafundisha njia ya Mungu kufuatana na ukweli. Sans t'inquiéter de personne. Bila kuzunisha, bila kushituka mtu. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Jueye awangarie kuonekana kwa mtu. Dieu tout puissant. Mungu wa uwezo wote. Encore une fois de plus. Mara tena. Nous venons auprès de toi. Tunakuja mbele yako. Pour demander et implorer ta miséricorde. Jua kuomba rema yako. Descends cet après-midi et bénis chacun de nous d'une manière particulière. N'oublie pas les frères et les sœurs qui sont connectés. Que la même onction qui sera ici puisse les accompagner là où ils sont. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole a la vie en elle. Neno lako iko na uzima ndani yayo. Ta parole est une semence. Neno yako ni mbegu. Seigneur, que ton onction l'accompagne. Bwana upako wako isindikize. Pour notre bonne compréhension. Juu ya kuelewa kwetu kuzuri. Et pour notre salut. Na juu ya wokovu yetu. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Ubariki kila mmoja wetu mnamna ya upeki. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mu jina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. C'est depuis dimanche. Nitangia siku ya muyenga. Que nous avons commencé à introduire la voie du salut. Turianzisha mafundisho ya njia ya wokovu. Nous avons dit aux frères et aux sœurs. Turisema na banduku na badada. Qu'aujourd'hui Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Ya kwamba leo Mungu yuko nafanya vitu mingi. Il accomplit beaucoup de promesses. Mungu yuko natimiza malako mingi. Mais dans la simplicité. Alakini katika unyenyekevu. Accomplissant les choses dans la simplicité. Mwenye kutimiza bitu katika unyenyekevu. C'est ce qui amène à beaucoup de gens de ne pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Njoo kile kiko nasukuma watu mingi banashinda kushika kile Mungu eko nafanya leo. Il y a les promesses qui concernent notre aujourd'hui. Kuku malako ile inelekea leo yetu ya leo. Mais la plus grande promesse qui nous a réunis ici, c'est le retour du Seigneur. Malako munene ile natukusanisha hapa ni kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais avant que lui ne revienne, mbele ya yeye arudie, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire pour préparer son épouse. Kuku bitu mingi bile Mungu yuko nafanya juu ya kutayarisha bibi yake harusi. Ce sont ces choses-là qui s'accomplissent dans l'humilité, dans la simplicité. Njoo bile bitu bile biku natimilika katika unyenyekevu na katika kujishusha sana. Au point que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, mukimo ile banduku mingi na badada mingi, ne voyez pas cela. Ababione. Et beaucoup de gens sont en train de passer à côté de la chose. Na watu mingi beko naenda pembeni ya kitu kinye cha muhimu. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ju abayelewe. Ils ne comprennent pas l'action de Dieu. Abayelewe tendo ya Mungu. Dans notre âge. Mui kizazi yetu. C'est pourquoi nous vous avons dit. Joko mana tulibiambia. Il n'y a que les concernés. Ni paka benye mambo. Les hommes et les femmes que Dieu avait prédestinés. Bana muke na banaume wale Mungu alitanguliaka kutayarisha. C'est celles qui saisiront la chose tout entière. Ni bo peke njo batashika kitu kinge kya muhimu kiote. Et ils marcheront avec elle. Na watatembea pamoja na ile kitu ya muhimu. Les élus comprendront correctement ce que Dieu est en train de faire. Bateule bo bataelewa mzuri mzuri ile Mungu yuko nafanya. Ils verront et ils saisiront ce que Dieu est en train de faire. Bataona na kushika kabisa kabisa kile Mungu yuko nafanya. Ils ne seront pas aveuglés comme les autres, non, mon frère. C'est pourquoi nous vous avons dit ceci. Aujourd'hui, en ce qui concerne le message du temps de la fin, si personnellement, kama kwa upeke tu, il y a encore beaucoup de choses qui vous échappent. Kama kungariki bitu mingi bile bikuna kupita pembeni. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Kama kungariki bitu mingi bile auelewe. Tu es incapable de saisir l'action de Dieu dans cet âge ici. Auna na uwezo ya kushika tendo ya Mungu muiki zazi iki. Tu ne comprends pas comment l'Esprit de Dieu agit maintenant. C'est un signe qui prouve que tu n'es pas un élu. Ile ni alama ikuna kikisha sema weye auna mteule. C'est un signe qui prouve que tu n'as pas été prédestiné à la chose. Ni alama ikuna kikisha kwamba weye au kutanguliwe kutayarishiwa juu ya ile kitu. Nous vous avons lu dans Luc au chapitre 8. Turimisomea Luka sura yake ya 8. Le maître lui-même a dit. Bwana yeye mwenyewe alisema. Qu'il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. Ili nipewa mupate kuelewa siri ya ufalme wa Mungu. Il a été donné aux élus, aux prédestinés à la chose, aux concernés, il y paye kwa teule, kwa we benye mambo, de comprendre tous les mystères ya boku elewa siri yote, de Dieu dans leur âge. Ya Mungu mukizazi yabo. C'est pourquoi dans un élu, il n'y a pas de confusion. Joko mana, dani ya muteule, amuna mufuruko. Un élu peut être dans l'ignorance, mais pas dans la confusion. Muteule anaweze anakosa kujua, lakini asiezwa katika mvuruko. avant qu'il soit éclairé, il peut être dans, il est dans la confusion, il est dans l'ignorance. Mais après qu'il soit éclairé par les enseignements, parce que les enseignements sont une lumière, toute sa confusion est ôtée. Et son ignorance disparaît. Et quand un élu comprend la chose que Dieu est en train de faire dans son âge, la révélation de la parole les sanctifie. Ufunuo ya neno la Mungu iko na mutakasa. La révélation le blanchit. Ufunuo inamwangazia. Wala inamutakasa. Vous voyez bien de mes frères et sœurs. Munaona bantuku na badada bapendwa. Mais le méchant et ne comprenne rien. Et ne comprendront rien. Voilà pourquoi ils marcheront dans leur méchanceté. Un homme qui comprend l'action de Dieu, qui discerne ce que Dieu est en train de faire, qui saisit la chose de Dieu d'une manière parfaite, il mènera une vie sanctifiée. Une vie qui honore Dieu et qui honore ce qu'il a cru. Mais ceux qui continuent à vivre comme autrefois, ils sont seulement des méchants. Ils sont parmi ceux qui sont aveuglés par leur orgueil parce qu'ils se croient comprendre et connaître beaucoup de choses. Et Jésus a très bien dit. Dans Jean au chapitre 9. Oui, Jésus dit. Isha Yesu akasema. Verset 39. Oui, Jésus dit. Isha Yesu akasema. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Nalikuja mui dunia juu ya hukumu. Pour que ceux qui ne voient point voient. Juu ya bale abaone bapate kuona. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui ont la prétention de voir, de comprendre, ils sont aveuglés. Mais ceux qui s'humilient, qui ont le souci profond de comprendre ce que Dieu est en train de faire, qui supplient le Seigneur dans l'humilité, Dieu leur ouvre l'intelligence et ils comprendront toutes choses. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Vous voyez comment Jésus leur a répondu sagement avec ironie. Maître, quand toi tu dis ça, nous les pharisiens, nous les docteurs de la loi, sommes-nous aussi aveugles comme les petits peuples? Jésus leur dit, vous prétendez voir, mais regardez, vous vivez dans le péché. Mais vous voyez, mais vous vivez dans le péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Ça y vient pas ça, ça vous connaissez ma tout qu'on a. Comme maintenant vous dites que vous voyez. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ni Dieu a il est zambié nous ina indeléa kudumu. Bien aimés frères et sœurs. Papendoa nduku na dada. Dans le domaine spirituel. Mambo ya bitu ya kiro. Il faut savoir s'éloigner de l'orgueil et des prétentions. Quand vous venez à la foi, ne prétendez rien. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est lui qui va vous donner la véritable compréhension de la chose. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'avez-vous compris cela? Dieu, dans toute sa sagesse, Mungu katika hekima yake yote, dans son amour, ndani ya mapendo yake, et dans chaque génération, na mukila kizazi, il a toujours eu une voix. Mungu anekalaka kila mara na njia fulani par laquelle il sauve ses élus de cet âge-là. Kupitia yayo eko na okola bateule ba ile kizazi. Souvenez-vous que dans chaque âge, mukumbuke ya kwamba mukila kizazi, selon la sagesse de Dieu, kufuatana na hekima ya Mungu, le Seigneur a placé une voie Bwana anesha pasula njia, par laquelle tous les prédestinés kupitia yayo benye kutayarishiwa bote, doivent être sauvés. Banapasha kuokolewa. Lorsque nous lisons la Bible, wakati ile tu kunasoma Biblia, depuis la chute de l'homme, tangia kuanguka kwa mutu, chaque génération, kila kizazi, Dieu a pourvu une voie du salut. Mungu alikitarishia njia ya wokovu. Tout le monde le sait en lisant la Bible. Watu bote wanajua vile mukusoma Biblia. Regardez au temps de Noé. Angalieni mwakati ya Noa. Dieu avait donné une voie pour que tout le monde soit sauvé, échappe à la destruction. Mungu arileta njia moya juu ya batu bote wapate kokolewa na baepuke kufa. Regardez au temps d'Abraham. Angalieni hata wakati ya Ibrahimu. Dieu avait placé une voie. Mungu alitayarisha njia. Regardez au temps de Moïse. Angalieni wakati ya Musa. Dieu avait une voie pour Israël. Mungu alikuwa na njia moja juu ya Israeli. Regardez dans chaque génération que Dieu a suscité un prophète. Tazameni mukila kizazi mule Mungu alilamusha munabii. Dieu y mettait une voie. Mungu alikuwa anaweka njia pour que ses élus échappent de la destruction. Dia bateule bake bapate kuepuka kufa. Quand l'évangile a tourné vers les nations, wakati injili iligeukia kuba mataifa, la voix était là, c'était Christ. Njia ilikuwa pale, alikuwa ni Kristo. Mais cette voix Chaque fois que l'âge arrivait à sa fin, lakini, ile njia, wakati yote, kizazi, kifika kumuisho, les démons venaient embrouiller cette voie-là. Ma demona, ilikuwa na kuku, ya kuzuru. Et Dieu était obligé de susciter un serviteur na Mungu alilazimisha alamushe mtumishi mwingine, pour ramener les élus à cette voie du commencement. Dieu a kurudisha bateule bake ku ile njia, ile pour leur montrer le calvaire. Dieu a kubaonesha calvario. Pour leur montrer Christ, la vérité. Dieu a kubaonesha Christo mwenye kwa ukweli. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada. Mais les gens ne comprennent pas toujours ça. Alakini batu abaendele kuelewa ile. Mais quand une voix arrive, quand une génération arrive, wakati kizazi fulani kifika, Satan, qui est l'ennemi de Dieu, Shetani, mwenye kwa adui wa Mungu, pour embrouiller les gens de cette génération, Dieu a kuzuru wala kuvurutusha batu ya ile kizazi, il vient aussi avec sa voix. Shetani naye kuna kuja na njia yake. C'est ainsi que dans chaque voix, dans chaque génération, Dieu kumana mutaona mukila kizazi, vous y trouvez maintenant deux voies. Utakuta mba njia mbili. La voix de Dieu, njia ya Mungu, et la voix de l'homme, la voix de Satan. Na njia ya mutu, wala njia ya Shetani. Maintenant, les gens de cette génération, de cette génération, sasa, batu ya ile kizazi, sont dans l'obligation de choisir parmi les deux voies. Beko mumapasho ya kuchagua katikati ya ile manjia mbili. Qui se présente devant eux. Il est kumbele yabo. Dieu a une voie bien tracée. Mungu eko na njia yenye kupasuriwa mzuri. Pour que les élus rentrent. Dieu abateule bapate kurudia kwake. Et qu'ils soient sauvés. Na bapate kokolewa. Satan aussi. Shetani naye. Il vient avec sa voix. Eko na kuja na njia yake. À travers l'homme. Kupitia mutu. Pour embrouiller la voix de Dieu. Dieu a kuvurusha njia ya Mungu. C'est ce qui fait que l'homme maintenant se trouve entre deux choix. Ndio ile nafuanika kwamba mutu apatikane mbele ya manjia mbili ya kuchagua. Et il a le devoir de choisir. Na eko na mapasha ya kuchagua. Entre la voix de Dieu. Katikati ya njia ya Mungu. Et la voix de l'homme. Na njia ya mutu. Parce que Dieu ne force personne. Ndio Mungu ashikazishake mutu. L'église est avec moi. Et ti kanisa munafuata. De cette manière, l'homme est placé exactement dans les mêmes conditions qu'avait Adam et Ève. Mutu anawekwa muali moya moya ile ilikuwa mbele ya Adam na Eva. Devant lui, il y avait la voix de Dieu. Mbele yake kulikuwa njia ya Mungu. La voix de la vie. Njia ya bujima. Et la voix de la mort. Na njia ya lufu. Mais Adam était créé avec sa liberté. Alakini Adamu aliumbiwa na uhuru yake ya kuchagua. Une conscience libre. Na zamiri ya uhuru. Il avait sa propre volonté. Alikuwa na mapenzi yake mwenyewe ya kuchagua. C'était à lui de choisir entre la vie et la mort. Ni peke yake ndio alikuwa na ruhusa ya kuchagua katikati ya lufu na bujima. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Dans la plus grande sagesse de Dieu, mwekima mkubwa ya Mungu, connaissant la fin de toutes choses et son commencement, mwenye kujua mwisho ya kila kitu na mwanzo yake, connaissant tout ce qui se passera dans cette génération, Mungu mwenye kujua yote ile tafanika mukila kizazi, voilà la raison fondamentale pour laquelle ndio sababu yenye msingi Dieu place sa voix, Mungu yuko naweka njia yake, pour sauver le peuple, Dieu kuokoa taifa. Dieu connaît, Mungu anajua, ce que Satan fera dans cette génération là. Kile kiote shetani atafanya mwile kizazi itakuja. Il connaît les pièges de l'ennemi. Anajua mitego yote ya shetani ya adui. Il connaît les enseignements de l'ennemi. Anajua mafundisho ya adui. Il connaît les tactiques de l'ennemi. Anajua namna kutenda ya adui. Il connaît comment Satan, anajua namna gani shetani, piège l'humain. Eko nateka mtego mbele ya mtu. Et c'est cela. Na Mungu anajua ile. Et Dieu sait que l'homme est faible. Na Mungu anajua kwamba mutu eko zaifu. Et l'homme n'est pas intelligent. Na mutu ana na akili. Satan est rusé et intelligent. Shetani yeye ni mujanja na ni wa akili sana. C'est pourquoi dans chaque génération. Je crois manamu kila kizazi. Pour sauver les élus de cette génération. Dieu kuokoa bateule ba ile kizazi. Dieu est obligé d'envoyer son messager. Mungu analazimisha atume mujumbe wake. Qui a le devoir mwenye kwa na mapasha d'enseigner clairement, ya kufundisha mzuri mzuri na waziwazi, d'annoncer clairement, ya kutangaza mzuri mzuri na waziwazi, le dessein de Dieu, makusudi ya Mungu, et le plan du salut de Dieu, na mapu ya wokovu ya Mungu, pour ce peuple là. Juu ya ile taifa ya ile kizazi. L'église est avec moi. Eti kanisa mnafuata. Je parle lentement. Nasema pole pole. Dieu dans sa sagesse. Mungu katika hekima yake. Avec tout ce qui doit se passer dans cette génération. Na ile yote ile tafanika mungu kizazi. Pour l'amour qu'il a envers ses élus. Dieu a mapendo ile mungu eko nayo kubateule baki. Il envoie son messager. Eko natuma mujumbe wake. C'est ce messager ni ule mujumbe wake ule, qui aura une trompette claire. Jo atakuwa na parapanda ya wazi. C'est ce messager là na ni ule mujumbe ule, qui va clairement enseigner au peuple. Jo atafundisha wazi wazi ku watu. Le dessein de Dieu. Makusudi ya Mungu. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Le plan de Dieu. Mapu ya Mungu. Pour le salut. Dieu ya wokovu. Des élus. Ya bateule. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est pourquoi faut bana m'enseigner dit. Ndio kwa maana nduku Branham marifundisha na kusema. Quand Dieu envoie un messager dans un âge, tu veux très bien. Wakati Mungu anatuma mujumbe fulani mukizazi fulani, ce messager là est équipé d'une manière particulière. Ule mujumbe anapambwa munamna ya upekee. D'une manière singulière. Munamna tu ya upekee. Qui le différencie? Il est amwachanisha de tous les théologiens. Na bote ba kufunza masomo ya Mungu. Qui le différencie? Il est amwachanisha de tous les religieux. Na bote ba kidini du jour. Ba ile wakati. Dieu, Mungu. L'équipe d'une manière particulière. Atamupamba munamna ya upekee. Même le style de ses prédications. Ata ali ya mahubiri yake. La manière de prêcher de ces messagers là. Namna ya kuhubiri ya ule mujumbe ule. Est entièrement différente. Ni ya kuachana kabisa kabisa. De la manière de prêcher des religieux de cette époque-là. Ni ya kuachana kabisa kabisa na namna ya kuhubiri ya bale batu ba kidini ba ile wakati. Son langage, musemeo yake, est entièrement différent. Ni ya kuachana kabisa du langage na musemeo religieux ya kidini. Il a un langage eko na musemeo qui n'est pas traditionnel. Aina ya kawaida ya kila siku hapana. Non, bien aimé frère. Hapana nduku mpendwa. Non, ma sœur. Hapana dada. Il a une nature. Eko na asili. Qui le différencie. Il est amwachanisha. De tous les religieux de l'époque. Na watu ya kidini ba ile wakati yake. Pourquoi. Dieu a nini. C'est pour que les élus ni juya bateule trouvent et voient une différence bapate kuona achanisho entre ce que Dieu fait dans leurs jours avec la tradition humaine. C'est vrai. Est-ce que l'Église est avec moi? Quand un âge s'ouvre et quand Dieu envoie son messager, il est doté d'un style de prédication. Il est doté d'un langage. Il est doté de manières qui différencie son serviteur de toute la traduction humaine, de la religion. C'est vrai, frère. Il est fait avec un objectif d'attirer les élus vers lui, vers Dieu. C'est vrai, frère. Le messager de l'âge est doté de manières. Il est doté de manières à attirer l'attention des élus de la génération. C'est vrai. Nikoeli. C'est pourquoi il a un langage particulier. Je komana ekona musemeo ya upeke. Il a son style. Ekona ali yake. C'est pour attirer les élus. Ni Dieu akuvuta nayo bateule. C'est comme la mère aigle, comme nous l'avons toujours dit. Ikusawa mama ntai vile tu unazoezwa kuisema. Quand la mère aigle a ses petits, wakati mama ntai ekona batoto yake. Quand ces petits commencent à prendre de l'âge, wakati batoto yake wananzo komala, ils commencent à émettre des sons différents, mama ntai atanza, des cris différents. Atanza kulalamika ma malalamiko ya kuachana. Pourquoi? Dieu a dit. C'est pour attirer l'attention Dieu a kuvuta angalisho de ces petits. Ya batoto yake. C'est pour amener ces petits à reconnaître leur meilleure règle. C'est vrai. Nikweli. Et quand les petits aigles wakati batoto ya ntai entend les cris de notre oiseau, bakisikiliza kulia kwa ndege mwingine. Ces cris-là ne répondent pas dans leur cœur. Ne résonnent pas correctement dans leur cœur. Et les petits disent, ça ce n'est pas notre mère. C'est signe que la mère aigle aimait. Ce sont les signes qui les distinguent de tous les autres oiseaux. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi Dieu commence par équiper chaque messager d'une manière particulière. C'est pour que les élus de ces générations soient attirés, que leur attention soit réveillée, soit attirée vers leur Créateur. qu'il voyait bapate kuona, qu'il y a quelque chose de particulier ya kwamba kuku kitu ya upeke, qui est différent chenye kuachana, de tout ce qui s'est fait. Na yote ile kunafanyika. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Et il n'y a que les élus na, ni paka tu bateule, qui saisiront jobatashika, ce que Dieu fait. Kile Mungu yuko nafanya. Qui comprendront bon, bataelewa, avec profondeur na upana, ah, le cri de l'aigle de l'âge. Malalamiko ya ntai wa ile kizazi. La profondeur upana, appelle la profondeur. Iko naita upana ingine. C'est pourquoi, frère, je commande en duku. C'est pourquoi, ma sœur, je commande en dada yangu. Si aujourd'hui, kama leo, tu ne sais pas différencier, aujue kuachanisha, la vérité du mensonge, ukweli na uongo wala udanganifu, ah, il y a quelque chose de faux. Manake kuku kitu akiendeke kwako. Le messager est équipé de manière à mettre une différence entre la vérité de Dieu qui conduit au salut, qui conduit à l'accomplissement du plan du salut, qui conduit à l'accomplissement des desseins de Dieu dans cette génération-là. Vous voyez, munaona, il parle différemment. C'est comme la Bible le dit. Ce n'est pas encore le temps de lire, de vous lire beaucoup de versets. C'est comme un sacrificateur. Le sacrificateur ont été placés, c'est pour enseigner la différence entre ce qui est vil et ce qui est saint, entre ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Les prédicateurs doivent parler de manière à créer une différence. Vous voyez, à amener le peuple à voir une différence entre la vérité et le mensonge. C'est ce que le messager du jour fait. Par la voix du Saint-Esprit de la parole. Pour que les élus entendent. C'est vrai, frère. Maintenant, regarde les dangers. Satan qui comprend un peu les choses mieux que les gens, que les hommes. Shetani mwenye kuelewa bitu mzuri kushindia kwa watu. Quand il voit, wakati anaona, que beaucoup de gens commencent maintenant à comprendre la différence entre la mort et la vie, wakati shetani anaelewa, entre la vérité et le mensonge, watu mingi banaanza kuelewa achanishwe nyenye kwa katikati ya lufu na bujima. Satan maintenant suscite les imitations. Sasa shetani analamusha makufuatirisha. Il suscite les imitateurs. Analamusha batu ya kufuatirisha. Je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Na mipatia mfano kidogo mupate kuelewa. Il y a eu un temps, kulikuwa muda fulani, dans les années passées, muma miaka ile ilipita, quand Dieu a déversé l'esprit de Pentecôte, de la Pentecôte, wakati Mungu alimwanga roho ya Pentecosta, Dieu avait déversé les dons. Mungu alimwanga mazawadi. L'esprit de Dieu est venu, il y avait des prophéties, roho ya Mungu ilikuja, des guérisons, matabiri, il y avait des prophéties, des guérisons, il y avait des visions, il y avait des miracles. Na mamiujiza fulani fulani. Et beaucoup de gens na, batu mingi, ont commencé à quitter l'église catholique bakatoka kanisa katoliki pour aller chez les pentecôtistes. Dieu a kwenda ku watu wa pente. Et beaucoup de gens l'ont fait. Na batu mingi akika walitoka kanisa katoliki. Parce que tout homme a besoin quand même de la vérité. Dieu mtu wote anahitaji kujua ukweli. Quand Satan a compris. Wakati Shetani alielewa. Que le Saint-Esprit est vrai puissamment avec le mouvement de Pentecôte. Ya kwamba Roho Mtakatifu anatumika na uwezo wote na ile uongozi ya. Et que beaucoup de gens na watu mingi ont commencé à quitter l'église catholique. Bananzo kimbia kanisa katoliki pour adhérer au mouvement de la Pentecôte. Ya kujunga kuile maandamano ya Pentecosta. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Na watu walikuwa wanapokea Roho Mtakatifu. Il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Kwa kuonekana kwa uwezo wa Mungu. Quand Satan a vu cela, wakati Shetani aliona vile, l'église catholique kanisa katoliki créa le mouvement ilifanya ile maandamano wala mouvement que qu'ils ont appelé ile wanaita le réveil catholique, wamsho wa kikatoliki qu'on a appelé ile wariita dans d'autres endroits c'est fazi ingine wanaita. Il y avait ce qu'on appelle le pastorat. Ile wengine walikuwa naita kipastori. Où on a créé des groupes de prière. Wala walifunga walitunga makundi ya watu wa maombi. On a créé des groupes de prière. Walitunga makundi ya watu wa kuomba. Dans l'église catholique. Ni kanisa katoliki. Là charismatique. Ils ont créé les groupes de prière. Walifanya ile kundi ya dans l'église catholique. Ni kanisa katoliki. Avec un objectif na kifukuzio tu, de laisser les membres de leur église ya kwacha ba memba kanisa yabo, prier comme les pentecôtistes. Muombe sabato ya pente. Ils ont accepté des dons. Banaitikia mazawadi. Ils ont accepté la guérison divine. Banaitikia utunzo ya kimungu. Ils acceptaient la prophétie. Banaitikia matabiri. C'est ce que vous appelez jo ile mkunaita le mouvement. Ile mouvement charismatique. Ce mouvement était suscité par Satan pour barrer la route aux gens afin qu'ils n'aillent pas vers la Pentecôte. C'est pourquoi il y a eu les mamans Goretti, il y a eu des mouvements comme les prêtres Kasongo. Vous voyez, il y a eu un peu de mouvements partout. Et dans la ruse du diable, on laissait les membres de l'église catholique aller dans tous les groupes de prière, chanter, danser. Mais dimanche, vous devez être à l'église, mais. Et les gens sont tombés dans les filets. C'est Satan. Ce mouvement-là, ce n'était pas le Saint-Esprit dans ce mouvement. C'était des démons. Il quoi tu ni ma démona. Vous voyez, frère. Monaona nduku. On poussait les gens dans ces mouvements-là. Par quoi na sukuma bato bapate kwenda mwile matengenezo. À jeûner 30 jours. Ufunga maona. 40 jours. Sukuma 13 ma sukuma 10. Pourquoi? Dieu a nini? Pour recevoir la puissance de Dieu. Dieu a kupokea roho ya Mungu, uwezo wa Mungu. Et comme il n'avait pas la parole, sawa vile hawakuwa na neno la kweli. Il ne recevait pas la puissance de Dieu. Hawakuwa napokea uwezo ya Mungu. Il recevait la puissance du diable. Lakini walikuwa napokea uwezo ya Shetani. Vous voyez? Munaona? Satan est très malin. Shetani yuko mjanja sana. Et ceux qui n'étaient pas élus, ils ont dit ça va, on ne voit aucune raison de quitter notre assemblée, notre église, parce que nous avons aussi des dons. Et même la manière de prêcher chez les catholiques avait changé. Regarde comment même Kanda de Mbujimayi. Regardez le style de Kanda. C'est des limitations. Et ce garçon, il est très intelligent. Très intellectuel, très intelligent. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous tomberez certainement. Il n'agit pas tellement comme un prêtre. Son style. Non. Il commence à prêcher comme les pentecôtistes. C'est ça le diable. Il crée quelque chose de semblable. Et il n'y a que des élus qui sont dotés du mécanisme de dévoiler la vérité et les mensonges. Pourquoi les élus ne regardent qu'à la parole de Dieu un point et un trait? C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Satan ne peut pas embrouiller les élus. Mais Satan embrouillera le reste du peuple. Regarde maintenant quand Dieu ouvre la voie du salut. La plus grande difficulté et même le malheur, même aujourd'hui, souvent c'est l'homme qui ne veut pas accepter et se soumettre à la volonté de Dieu, qui n'accepte pas la voix de Dieu pour son propre salut. L'homme Mutu veut être sauvé par Dieu dans ses propres voies que lui-même s'est créé. Il est Mutu yeye mwenyewe anadi pasuria. Non, bien-aimé frère. La difficulté des gens magumu ya watu est que l'homme veut être sauvé mutu en dehors du plan que Dieu a établi. Inje ya mapu ile Mungu alitengeneza. Il veut être sauvé selon sa propre volonté. Mutu anapenda okolewe kufuatana na mapenzi. Il prend souvent mutu sa propre volonté mara mutu anachukua mapenzi yake comme étant la volonté de Dieu. Sawa kuwa mapenzi ya Mungu. Dieu ne le fera jamais. Mungu hawezi kufanya vile kamwe. C'est ça le problème. Il est Njo Magumu. Et ça, c'est Satan. Na ule kuna fanya vile ni shetani. C'est Satan qui amène les gens ni shetani Njo kuna sukuma batu à rejeter la voix de Dieu, kukatala njia ya Mungu, à créer leur propre voix, na kutunga njia yabo benyewe, tout en invitant Dieu de venir les sauver dans leur propre voie, contraire à la voix de Dieu. C'est ce que la Bible appelle un zèle sans intelligence. Et quand les gens embrassent la voix de l'homme, ils sont très zélés. Est-ce que l'Église est avec moi? Magumu, la difficulté mukila wakati, dans chaque âge, il y a banaume na banamuke ko natafuta wokovu. Des hommes et des femmes qui cherchent le salut. Iko apa. Se trouve ici. Mungu anafungula njia. Dieu a ouvert. Mulamba kila mtu anapasha okolewe. Par laquelle tout le monde doit être sauvé. Mtu ye. Mais l'homme aussi. Anakatala ile njia Mungu anafununa. Il refuse la voie qu'a ouvert Dieu. Ile njia Mungu anamwekea. La voie que Dieu lui a placée. Mtu anajifanya yeye mwenye njia yake. Na l'homme se fraye lui-même sa voie. Kufuata la kipenda roho yake. Selon sa volonté. Dieu eko namuita Mungu. Alors il invite Dieu. Mungu atoke mu mapenzi yake. Que Dieu quitte mwenye sa njia yeye ambao que Dieu quitte sa voie qu'il a fait pour sauver l'homme, qu'il vienne dans la voie que l'homme a frayée afin de sauver l'homme dans sa voie lui-même l'homme. Ça ne se fera jamais. C'est ainsi que vous verrez les gens. Anapenda, vous allez voir quelqu'un, il aime. Akuye, qu'il soit. Qu'il continue à vivre dans les péchés. Mais néanmoins sauvé. L'église est avec moi. La plupart des gens veulent être libres. Ils vivent dans le péché selon leur propre volonté, mais namwe sauvé par Dieu. C'est impossible. Seigneur, mina kupenda, wenjo mumbaji uniumba. Mon créateur, c'est toi qui es mort pour moi la croix, mais ce que je te demande, laisse-moi seulement prostituer, laisse-moi voleur, laisse-moi un méchant. Mais unyokole tu. Néanmoins, sauve-moi malgré tout. Unipeleke mumbingu. Et amène-moi aussi unipatie malgré tout. Unipatie ya milele. Donne-moi la mais vie éternelle. Mais uniache quand même mikonaishi paka munzambi. Laisse-moi continuer à vivre dans les péchés. Si, pratiquement impossible. Abiwezekane na Mungu. Kama Mungu mu Genèse. Si Dieu est dans la Genèse. Arifukuza. Il a chassé. Adam et Ève mu jardin d'Eden. Nanjia ya kumucha bujima. Et la voix. Anaweka ko ba malaika na mipanga ya moto. Il a placé des kéribés avec des. Ni Dieu Mungu alikatala. Ule mtu alikuwa anaje kwa munzambi. Endelee kuishi milele na milele. Tout en étant pécheur. C'est des choses incompatibles. Il est qui toi Yesu kwambatana na njia. Est-ce que Dieu est avec moi? Et tikanisa mnafuata. Kama Mungu si Dieu arifukuza Adam et Eve mushamba la Eden. Na na bila ba malaika na mipanga ya moto. Anajibiria njia ya kubuji ya kumcha kujima milele. Ni anajibiria. Il a empêché. Il a barricadé. Anza kwenda mbio mbio. Oui. Merci. Asante. Kama Mungu si Dieu. Kisha Adam et Eve kutenda zambi. Après qu'Adam et Eve aient péché, ariba beba aniba fukuza mshamba ya Eden. Il les a chassés du jardin d'Eden. Kisha anabeba ba malaika na mipanga ya moto. Il a pris des kérubins avec des épées flamboyantes. Bana jibiria kumucha bujima. Ils ont barricadé la route qui mène vers la vie éternelle. C'est parce que Dieu akupende tena ne voulait plus Adam et Eve. Qu'Adam et Eve mwenye kuya mutenda nzambi qui était devenu pêcheur endele kwanza kula kumucha bujima qui ne puisse pas continuer à manger de l'arbre de vie. Non. Adam et Eve. Adam na Eve. Baba qui est batenda nzambi il reste pêcheur. Mais na bujima milele. Mais en ayant la vie éternelle. C'est même la pensée qui se trouve dans beaucoup de païens. Jomawazo na patikana ndani ya bapagano ba mingi. Les païens pensent qu'ils vivront éternellement. Bapagano banawazia sema na bo bataishi milele. C'est un mensonge. Ni bongo mdanganifu. Ni bitu biwezi kutembea pamoja. Ce sont des choses qui ne peuvent jamais marcher ensemble. Zambi. Les péchés. Jo irileta lufu. C'est ce qui a mené la lufu mort. Na bujima. La mort et la haiwezi kutembea pamoja. Les péchés ne peuvent pas marcher Zambi, ensemble. Les péchés. Jo irileta lufu. C'est ce qui a mené lufu la mort. Lufu inafukuza bujima. La mort a chassé la vie. quand la vie vient, la mort s'en va. Mais quand la mort vient, la vie aussi s'en va. Parce que les deux ne peuvent cohabiter. Est-ce que l'Église est avec moi? Toutes les voies que les hommes peuvent se faire, Dieu ne peut pas les agréer. Non. Non, frère. Je sais que tu es Dieu. Je sais que c'est toi qui es mort pour moi. Je sais que c'est toi qui as la vie éternelle. Donne-moi de ta vie éternelle. Mais néanmoins, laisse-moi continuer à vivre la vie des péchés. C'est ça la religion. L'Église est avec moi. C'est ça la religion. La religion signifie, c'est une couverture. Vous voyez, c'est un homme sans vie, une femme sans vie de Dieu, mais qui veut se couvrir de la justice de Dieu. Ça ne peut pas aller. C'est incompatible. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, il faut pas que tu naïchika. Il faut qu'on accepte. Il est déjà mungu ane tu pasuria. Il est déjà mungu ane tu chantea. La voix que Dieu nous a montré pour le salut de nos âmes. Il est déjà mungu ane tu fununia. La voix que Dieu ouvre pour nous. John mule ambao. C'est par là. Mukom. Okovu, c'est dans cette foi qu'il y a le salut. Bujima, c'est dans cette foi qu'il y a la vie. Fra, c'est dans cette foi qu'il y a la joie. C'est dans cette foi qu'il mais y a il la vie. Bantu, mais la voix que les gens s'effrayent, il y a la mort. Amuna maendeleo. Il n'y a pas de progrès. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mungu amibariki, Dieu amangaribi alieyo. Il a compris. Nani ula naelewa. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Apana tukuweka mikono bulea. Faut pas lever la main pour lever. On ne fait que poser des petites bases. Ah, ni misingi tu le tunaweka bule. Si vous comprenez ça, kama munaelewa hii, vous accepterez la voix de Dieu. Mutaitikia njia ya Mungu. Seigneur, Bwana, mina yasimu kwa Mungu. Je sais que toi tu es Dieu. Uniokoe tu. Mina kupenda, Seigneur. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime mon Dieu. Mais kumwacha shetani. Mais abandonner Satan. Apana. Non, je peux pas le quitter. C'est vraiment incompatible, ça ne peut pas marcher ensemble. J'aime tellement les mensonges. Mina penda sana bulevi. J'aime tellement l'ivresse. Na penda sana bundumba. J'aime tellement la prostitution. Néanmoins, donne-moi la vie éternelle malgré cela. C'est incompatible. Abiezi kusikilizana wala kutembea pamoja. Difficulté. Magumu. Ya mkubwa sana ile mtu yuko nayo leo. La grande difficulté qu'a l'homme aujourd'hui. Ni juu anapenda kokolewa. C'est parce qu'il veut être sauvé. Inje ya ile mapo Mungu alimwekea jia okovu yake. En dehors du plan que Dieu lui a tracé pour son salut. Anapenda kupitisha mapenzi yake. Sa volonté. Sawa mapenzi ya Mungu. Il veut faire passer sa volonté. C'est exactement la pensée profonde de Lucifer. Il est njo wazo ya upana ya Lucifer. L'Église est avec moi. C'est ça la pensée de Lucifer. Vouloir faire passer sa volonté. Il fait passer sa volonté comme étant la volonté de Dieu. Non. Quand Dieu suscite un messager, écoutez-le deux fois. C'est vrai. Nikweli. Parce que celui qui parle clairement Il parle clairement, il dévoile clairement les desseins de Dieu et le plan de Dieu du salut pour l'humanité. Lève-nous pour la prière. Que celui qui est honnête dise au Seigneur. Seigneur, unisaidie ndani ya maisha yangu yote. Aide-moi dans toute ma vie. Niache mapenzi yangu. Niache mawazo yangu. Niache manjia yangu. Nikubali ile njia na mapenzi yako unanifunulia. Que ta voix et aussi ta volonté que tu me révèles. Unipatie ma unifungule mashikio. Ouvre-moi les oreilles. Nielewe katika upana. Afin que je comprenne dans la profondeur. Ile ufunuo. Cette révélation. Ulipatia nabii wa wakati yetu. Le prophète de notre juu ya kuniangazia pa mapo yako ya wokovu. Sur ton plan du salut. Prions. Tuombe.